Écoutez-moi le titre, finalement, c'est une reformulation plus simple de la question posée par les gens des organisateurs de cette journée, qui est « La théorie critique éclaire-t-elle le devenir sociétal civilisationnel du monde contemporain ?» Et donc, prends vraiment la théorie critique dans notre graphe utilisé, quoi, avec un grand T et un petit C. Et évidemment, si on se positionne comme ça, c'est de chercher une réponse à cette question devient une opération extrêmement délicate. Extrêmement délicate, pas à cause du fait que, presque une banalité, de dire que le mot crise est à peu près le mot clé pour caractériser notre époque. Ce n'est pas la crise finale de quoi que ce soit, c'est une crise qui est devenue une normalité, c'est une crise qui se manifeste partout, plus ou moins radicalement certes, mais un peu partout. Et en plus, là, des gens très loin de la théorie ou des théories critiques, dont des études extrêmement empiriques et positivistes l'ont montré, ce que les autres ont constaté déjà ailleurs, que c'est la peur, les angoisses, les incertitudes et surtout le vécu d'impuissance qui règne. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure en discutant d'autres choses de l'atmosphère politique et institutionnelle dans ces pays. Alors, cette crise, comme elle est, c'est pour moi, je reprends une notion d'un collègue allemand, d'Oskanek, une crise érosion. C'est une image qui correspond très bien à ce sentiment d'être d'avoir quand même les deux pieds par terre, mais on a les deux pieds, si j'ose dire, sur une sorte de dune, qui, comme dans le désert, qui glisse, qui se déplace, on ne sait pas trop comment, pourquoi, jusqu'à quel point. En tout cas, cette incertitude, l'impuissance, vient de là. Deuxièmement, les discours dans l'espace public établi, les discours de l'industrie culturelle, du milieu médiatique et politique, est quand même un discours très disciplinaire dans le sens foucauldien du terme, par ailleurs. Hein. Cette crise, et ça, ça distingue ce discours du discours qu'on a connu dans les années 70 ou 10 ans après, sur les crises. La crise n'est pas, comme aux années 70, banalisée en disant « bon, c'est un accident de parcours, quelque chose d'éphémère, quelque chose qu'on peut régler et on cache plutôt qu'on le montre ». Ce n'est pas la crise comme un défi à la tapis Yves Montand, ainsi de suite, des années 80. Non, la crise est désormais présentée comme extrêmement grave, souvent avec une tonalité quasiment apocalyptique, une menace de l'apocalypse en tout cas. Et parce qu'elle est grave, il demandait, et ça c'est l'aspect disciplinaire, une adaptation, si possible sans contradiction, à cette injonction, une adaptation aux contraintes, parce que la sortie, entre guillemets évidemment, de cette crise vient du bon comportement, de l'investissement conforme de tout un chacun. Bon, ça d'un côté, comme pour planter un peu le décor, et. Donc, comme je disais tout à l'heure, de chercher une réponse à la question posée devient un peu délicat si on se réfère à l'école de Francfort, parce qu'on se souvient au moins du verdict, presque d'Adorno, qui a prononcé cette interdiction d'image, c'est-à-dire l'interdiction de projeter dans l'avenir un avenir meilleur ou un avenir, je ne veux pas dire un utopie, parfait, quelque chose qui ressemble à ça. Ça d'un côté, et de l'autre côté, le même Adorno, qui a insisté surtout dans une situation de mobilisation publique énorme, donc début des années 70, vers la fin de sa vie, que la théorie critique n'est pas un programme ou un mode d'emploi de changement social ou de la révolution. Alors, se référer donc dans ces conditions à la théorie critique, ça devient un peu délicat. Donc je vais, si j'ose dire, sonder un peu cette tradition pour terminer avec trois scénarios pour quand même reprendre un peu plus concrètement la question que je me pose moi-même en reprenant le sujet de la journée. Alors, premièrement, ce qui est assez étonnant, au regard un peu naïf, ce qui est assez étonnant, c'est le fait que dans les écrits de ceux que j'appelle moi-même l'école de Francfort, qu'ils ont appelé la première génération par d'autres gens, dans ces écrits, on trouve quasi très peu de remarques systématiques sur la crise. C'est étonnant parce que, au moins jusqu'à la fin des années 40, cette manière de penser le social est née, et explicitement née, d'une situation de crise, une crise grave, une crise extrêmement brutale. Ce qu'on trouve en revanche dans ces écrits et dès le début, sont beaucoup d'analyses de la subjectivité et de la mobilisation de la subjectivité. Ce qui s'explique, et ça je pense un tout premier élément de réponse à la question, ça s'explique par le fait que un des fondements de cette manière de penser est la position reprise de la théorie marxienne, évidemment, que le capital se reproduit grâce à la mobilisation et à l'utilisation hétéronome et productive de la subjectivité. Ce que Marx développe au sujet de la force de travail est tout à fait généralisable. La force de travail, dans ce sens, est la capacité productive, la capacité de produire de la plus-value. Et, deuxièmement, que ce capital se reproduit également grâce aux crises. Les crises n'indiquent pas une fin, les crises indiquent, dans ce sens, une nécessité de la reproduction. Alors, deuxième élément, dans les mêmes écrits et vers la même période, surtout, c'est comme un fil rouge dans les travaux des auteurs auxquels je pense, c'est le constat de l'impuissance. Le constat de l'impuissance, on le trouve dès l'enquête sur les ouvriers et les employés en Allemagne, donc je trouve cette enquête par ailleurs splendide, hein, publiée dans les années 80 pour la première fois par ailleurs. Ce constat de l'impuissance se trouve précisé, élaboré au fil des années, et j'aimerais surtout signaler un article de Fromm, hein, intitulé Du sentiment de l'impuissance de 37, c'est vraiment révolte, où Fromm souligne que cette impuissance n'est pas seulement l'impuissance vécue des acteurs sociaux, des sujets, mais c'est en même temps et intrinsèquement lié l'impuissance de la théorie qui traite de ces phénomènes sociaux. C'est une dialectique qui constitutivement la production théorique et le vécu. Alors, si les sujets sont impuissants, ils ne peuvent pas dépasser leur situation, ils ne peuvent pas produire une alternative à cette situation de crise qui est la leur. Ils ne peuvent pas, je paraphrase Marcuse, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas. Et cette impuissance est intrinsèquement liée à ce que Marx a appelé la subjonction réelle, si vous préférez cette traduction, je préfère la soumission réelle parce que on ne va pas se battre pour ça. Et en prolongation de cet argument, l'impuissance est liée à la reproduction non seulement du capitalisme en général, mais surtout au développement de la culture du capitalisme. Et l'école de Francfort, donc cette première génération, si vous préférez, analyse justement cette culture et la subjectivité formée par cette culture, on retourne l'argument, ces subjectivités qui, une fois mobilisées, constituent et reconstituent cette culture qui les forme. Alors, le mot-clé, évidemment, tout le monde l'a deviné, c'est la dialectique, pas seulement de la raison, mais c'est la dialectique, comme c'est le titre correct en allemand en tout cas, de ce livre, La dialectique de la Aufklärung, donc de la version allemande, si je veux dire, le tranchant allemand, des Lumières. C'est important, pour finaliser sur la traduction d'un titre, c'est important parce que dans la conception de l'école de Francfort, la Aufklärung, c'est pour ça qu'elle se réfère très peu par ailleurs aux autres courants des Lumières, est un projet et un programme d'autolibération du sujet, dont on qu'on peut critiquer, analyser, ça s'est fait tout au programme dans tous les détails. Hein. C'est pas mon sujet. Mon sujet est plutôt que dans ce livre dialectique d'Aufklärung, on trouve une première synthèse des travaux qui sont ici comme des fibres élaborées dans les premières années de l'existence de l'Institut. Donc, on trouve une synthèse sous forme de fragments, comme on le sait, des livres par ailleurs largement hypothétiques, de cette dialectique approfondie en étudiant des cas exemplaires tout au long du développement de l'école. Il en reste une image pas complètement infondée par ailleurs, d'une situation extrêmement noire, une situation dont le dépassement est impossible, la théorie impuissante comme le sujet, et en face d'une machine, d'un développement extrêmement puissant et violent et qui concerne pas seulement la culture mais aussi tous les secteurs de la société ainsi que de la politique. Alors, je pense qu'on doit être un peu plus prudent que de reprendre cette image qui existe dans ces écrits, on ne peut pas dire le contraire, ça ne peut pas être différent par ailleurs. En revenant un peu sur la référence à la Aufklärung, à cette variante des Lumières, l'école de Francfort, surtout pour Adorno et Horkheimer également, il y a deux grands référents à mon avis. C'est Kant, évidemment, et c'est Schiller, qui était le plus politique des disciples, plus ou moins directs, mais le plus politique. Vu comme ça, l'auto-émancipation possible du sujet gagne une place absolument dominante. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il s'agit de thématiser, la possibilité, on s'entend bien. Et dans la tradition de Kant et de Schiller surtout, la culture entre directement dans l'argumentation, puisque c'est cette forme particulière de la culture qu'on appelle en allemand la Bildung, donc l'auto-formation du sujet qui devient autonome sur le plan intellectuel, affectif, hein, par ailleurs aussi affectif et social, ce projet devrait former des individus forts et autonomes, donc le contraire des impuissants dont on a parlé tout à l'heure, forts et impuissants grâce au développement de la culture, une culture qui leur permet ce développement, cette constitution d'une individualité forte et autonome. Et c'est pour cela que dans la tradition kantienne surtout, l'agir public peut être envisagé, c'est un projet, hein, comme la maîtrise raisonnable du vivre et travailler ensemble, si on permettait ce raccourci pas de rien. La dialectique de l'offre, et donc la perversion de ce projet, c'est pas sa disparition. Le projet est perverti et autant que perversion fait partie de l'héritage de la reproduction du capitalisme jusqu'à nos jours, au moins. Alors, dans cette perspective, on comprend certainement mieux que la mobilisation, que la raison instrumentale, du coup, mobilisée, peut bien se positionner comme étant la raison mobilisée contre les mythes et les superstitions, sachant que la rationalité ou la raison instrumentale, c'est parce que les synonymes sont à leur tour créatrices de mythes. Et la lutte contre l'imagination et contre l'imaginaire, c'est-à-dire contre cette capacité de penser en projet, de penser ce qui n'est pas encore, mais ce qui est possible, possible parce que pensable, comme disait Sartre, devient une lutte extrêmement, extrêmement importante, extrêmement centrale pour la reproduction. Et la discussion qu'on a eue tout à l'heure avant la pause le montre. L'imaginaire n'est plus dans les cycles, n'est pas dans les big data, au contraire. Alors, la liberté et l'autonomie envisagée par ce projet de Laufer devient, pour reprendre une formule de Fromm, une liberté 2. Donc, Berlin parle de la liberté négative, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on est libéré de certains contraintes, mais pas autonome, au contraire, le conformisme s'installe, un conformisme qui rappelle tout de suite la forme marchande. On se reviendra tout à l'heure. Alors, résultat, et là on comprend, je crois, plus facilement ce qui est cette impuissance, résultat de cette formation de la subjectivité sont des individus faibles, comme on dit explicitement par ailleurs dans les textes de l'école de Francfort, et on trouve ça développé non seulement dans les travaux des années 30 et 40 chez Fromm, hein, on le trouve dans le caractère autoritaire, dans la dialectique de la raison, dans l'autorité et famille, dans un tas d'écrire, sont oubliés évidemment, parce que je tiens beaucoup Marcuse, hein, dans les ressources de société, on a une présentation quasiment magistrale, un peu schématique, mais magistrale quoi, de l'affaire. Alors, la question qui se pose à moi, en tout cas, est-ce que désormais, les devenirs imaginables est seulement une sorte de prolongation de ce qui existe, une sorte de prolongation avec des modifications, évidemment, c'est jamais du pareil au même, de ce qui existe, puisque bon, les arguments sont donnés. Alors, on peut préciser, en se posant la question, est-ce que l'énorme développement de l'industrie culturelle, qui s'est dépassé depuis pas mal d'années, comparé à ce que l'école de Francfort en a dit, signifie ce développement lexique pour le dépassement, pour les avenirs possibles au pluriel, une sorte de dissolution de la négativité et par conséquent aussi une dissolution de la théorie critique. Si la négativité n'existe plus, on ne peut plus. Alors, quelques éléments, juste pour pour préciser cette question, qui, je dis tout de suite, qu'il n'y ait pas trop de suspense, ma réponse est plutôt non à cette question-là. D'un côté, je pense, pour donner force à la possibilité de dépassement et de reprendre les traces extrêmement effacées, en partie par ailleurs volontairement effacées, de la référence à Marx dans la théorie critique. Hein. Dans le cas de Rotana, par exemple, c'est carrément une autre censure qu'il a avec ça. C'est, hein. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui veulent vraiment lire la version de la maison, je vais refaire la version allemande dans l'œuvre complète de Rockham. On a toutes les ratures qui sont réattendues en notes bas de page. Bon, en tout cas, ces traces effacées qui sont implicites, me semble, mais sont des traces fondamentales. Hein, il y a quelques exceptions chez Marcuse, c'est, vous savez comment c'est des textes, mais souvent très explicites. Des tout derniers textes d'Adorno deviennent aussi de plus en plus explicites, ou encore dans ses cours qui sont publiés depuis quand même pas mal d'années, la référence est claire. Alors, cette référence à Marx, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord la subsomption réelle, cette subsomption réelle, on s'en souvient, est basée sur ce que Marx appelle la grande industrie. La grande industrie, qui est la généralisation et l'établissement définitif du capitalisme. Une grande industrie qui se caractérise aussi par une forme très spécifique, donc selon la logique de l'adoption réelle, de unir ce qui était séparé avant. C'est un processus de séparation, unification qui porte cette dynamique. Par conséquent, formes de pensée, comme disait Marx, et son texte là n'est pas bien développé et systématisé, les formes de pensée deviennent de plus en plus adéquates à la forme de la marchandise. C'est-à-dire la culture établie, le capitalisme établi, c'est l'industrie culturelle. Le lien est constitutif, sur le plan théorique, entre cette analyse marxienne, que j'ai grossièrement raisonné, évidemment, et l'industrie culturelle. L'industrie culturelle, c'est séparer les phénomènes. Au contraire. Elle est nécessaire pour la mobilisation de la subjectivité pour le capitalisme. Et tout, plus généralement, elle forme ces subjectivités, les visions du monde et toute autre forme de pensée, pour reprendre cette expression de Marx. On retrouve, et on l'a vu encore tout à l'heure, cette adéquation entre forme de pensée et forme de la marchandise, de la généralisation du caractère de l'équivalent, de l'abstraction, de l'interchangeabilité, de la concurrence, etc. Tous les critères, toujours variables, toujours au monde indifférent, évidemment, il n'y a pas de modèle unique, se généralisent. Alors, l'industrie culturelle et, à mon avis, la grande industrie qui a pris possession de la culture, qui devrait, selon le programme de la Hofbauer, permettre l'émancipation, l'autonomie et la liberté. Donc, l'industrie culturelle est, si j'ose dire, le moteur de la dialectique de la Hofbauer. Et c'est pour cela que dans cette perspective, il n'y a plus d'imagination dans notre monde. Au sein de l'industrie culturelle, un autre monde n'est pas pensable. Alors, troisièmement, cet argument les vécus de crise, évoqué tout à l'heure au début, tout brièvement. J'en retiens surtout que ces vécus de crise sont aussi et peut-être surtout des vécus de la non-identicité de cette société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démission, entre guillemets, de la société. La société n'est pas ce qu'elle prétend être. Et les sujets le constatent, le vivent souvent uniquement. C'est-à-dire, c'est dans le monde de la vie des sujets que la crise prend une forme concrète, saisissable et pèse sur eux. Comme on a vu tout à l'heure, pour reconstituer le capitalisme dans sa normalité de crise depuis des décennies, il faut que les subjectivités soient mobilisées. C'est-à-dire, un sujet bien socialisé, comme disait Marcus, veut faire ce qu'il doit faire. C'est dans les sociétés, j'adore cette expression. Donc, il veut faire ce qu'il doit faire. Il a un caractère social adéquat, autrement dit. Alors, dans ce cas, le projet du sujet et la reproduction de la société coïncident. Or, dans le vécu de la crise, il est insaisissable que, si vous permettez de déformer un peu cette belle formule de Marcuse, devient insaisissable que je ne peux plus faire ce que je dois faire. L'identicité se manifeste là. Et pour reprendre une belle expression d'Adorno, sans ça, les vies endommagées, pas mutilées, comme on dit la traduction française, endommagées de nous, des sujets comme nous, qui vivons dans cette situation. L'alternative serait de dire « je ne veux plus faire ce que je dois faire », on devrait affirmer une autonomie subjective énorme qui est très difficile à constituer. Alors, cette expérience de non-identicité, quelqu'un a utilisé tout à l'heure la belle expression que ça frotte, que ça grippe, que ça grince de partout. C'est exactement ça qu'on appelle dans la tradition phénoménologique un peu plus poliment l'extase. Il y a toujours quelque chose qui dépasse. Il y a toujours quelque chose qui n'entre pas complètement. Et la possibilité de saisir d'une authenticité se joue exactement sur ces éléments extatiques qui dépassent. On peut toujours tourner autour, s'arranger avec, mais la machine ne tourne jamais complètement rond. Et c'est pour cette raison, que je pense, pour concrétiser dans un premier pas, ma réponse à la question que je me posais moi-même, qu'un bon moyen de s'appuyer sur l'école de Francfort sont des réflexions, comme par exemple, je prends deux exemples, un de mes livres fétiches presque, La Minima Moralia d'Adorno. La Minima Moralia, hein, comme je dis tout à l'heure, ne sont pas des réflexions sur la vie mutilée, hein, comme on dit le sous-titre français, mais sont, en allemand, ça s'appelle la réflexion aus dem bestehenden Leben, donc des réflexions à partir sur la base de la vie endommagée et le aus dem bestehenden Leben, appelle hinaus, c'est-à-dire le mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire la dynamique de dépassement déjà empêchée, le dépassement vers le au-delà, les dépassements possibles puisque imaginables. Car l'inauthenticité devient saisissable dans une multitude de situations de la vie, souvent la vie quotidienne, des choses qui semblent extrêmement banales. Et si vous vous souvenez de ces petits textes de la Minima Moralia, il y a à peu près tout qui passe, quoi. Du Wunder de Schmitt jusqu'à l'interprétation d'un texte de Proust, il y a à peu près de tout. C'est-à-dire, on a des fragments ou des cas exemplaires. Je crois qu'Adorno parle plus de fragments empruntés à Benjamin. Et peu importe si on se sert de la notion fracoréenne ou de fragments, sont des, comme les petits mosaïques qui forment le monde de la vie de celui qui écrit, qui parle. Et surtout, c'est le rapport d'un sujet, un je, dans le sens pleinement psychanalytique du terme, par rapport à ce monde de la vie qui est le sien. Deuxième exemple, c'est un livre de Rockman, Les Crépuscules. Les Crépuscules, comme on sait, quoi, écrit très tôt, de 26 à 31, donc en pleine crise, en pleine agonie de la République de Weimar, en pleine crise politique, sociale et culturelle, publiée un an après la prise de pouvoir des nazis, en 34 en exil. Et ce livre nous montre exactement la même perspective dialectique que le mouvement que Adorno indique dans le sous-titre de la Minima Moralia. Puisque, il y a un petit poème, par ailleurs, pour ceux qui ne me croient pas, sur la page 3 quoi, de l'édition, qui indique explicitement qu'il ne s'agit pas seulement de crépuscule. Le titre allemand, c'est Dämmerung. Il y en a deux. Voilà. Il y a le crépuscule et l'aube. Donc, tendu entre les deux, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça aussi c'est un livre que j'adore. Le monde de la vie prend sens, peut prendre sens. Et c'est dans cette perspective qu'on peut, je pense, avec beaucoup d'efforts peut-être, qu'on peut trouver des éléments, des fragments d'en penser, d'une manière de former ses visions du monde, qui, justement, met en avant, pour les raisons à développer, il y en a certainement énormément, pas une seule, ces éléments d'extase, ces choses qui dépassent, ces choses qui n'entrent pas, qui ne peuvent pas entrer, et qui font ce que Adorno a si théoriquement développé comme non-identicité, qui font cette non-identicité saisissable. On peut le prendre avec ses cinq sens. Alors, la perspective s'ouvre vers un autre projet, et que je formulerai de manière extrêmement traditionnelle, et la notion est déjà tombée trois fois dans la journée, selon les affinités électives. Les affinités électives, dans le sens weberien du terme, et on s'en souvient, Weber a emprunté assez sauvagement cette expression à Goethe. Dans le roman de Goethe, ce qui n'est pas le cas de Weber, il y a deux manières de créer symbiose entre les affinités électives. Hein. Il y a d'abord la constitution libre, ce ne sont pas les mots de Goethe évidemment, et l'autre, comme il dit, c'est la main du chimiste. Ça vient de la création de théorie chimique. Donc c'est la main du chimiste qui forme la symbiose, c'est-à-dire l'hétéronomie, qui, la force extérieure qui fait que la symbiose s'installe. Alors, dans ce cas, on voit, dans ce cas, sur cette base, on voit déjà deux possibilités des avenirs possibles. Dans la schématisation, évidemment. La version la main du chimiste, c'est la version de Charlotte dans le roman, ou la version du commandant, hein, qui a une idée d'une vie libre. Assez évidemment pour un militaire, par ailleurs. Mais bon. Donc, les affinités électives peuvent se créer justement sur la base du vécu et de la quête d'explication et de compréhension de cette non-identicité ou de l'extase que j'ai déjà évoqué si on en répond, mais dans le sens d'un projet, donc à dépasser, aller au-delà. Et donc les vies en crise que nous menons sont, pour déformer un peu le sous-titre de la minima morale, des vies très, très, très, très endommagées. Et pour cette raison, les possibilités de saisir des extases de non-identicité sont extrêmement nombreuses. Et je crois que la minima moralia aurait au moins autant de volume que le numéro d'Elusio sur la théorie critique, et ne se limiterait pas à un volume, je crois, de 350 pages ou quelque chose dans le genre. Autrement dit, nous vivons dans une situation qui est extrêmement ouverte, toujours travaillée dans le sens de la fermeture par l'industrie culturelle, qui est, une fois de plus, c'est pas mon sujet, qui est plus l'industrie culturelle de la dialectique de la raison. Hein. C'est une industrie, industrie culturelle globale, interactive, mais ce serait un autre sujet. Alors, pour terminer, sur cette base, sur la base donc, des vécus, de non-identicité partagée, les scénarios pour les avenirs possibles sont des scénarios de mobilisation de l'imaginaire. Il faut imaginer l'avenir pour qu'il puisse exister. Et j'en vois, mais en schématisant, mais très grossièrement, hein, je l'avoue tout de suite, trois scénarios possibles. D'abord, le premier scénario a comme base cette ambiance, cette atmosphère bien établie de fatalisme, de lassitude, comme dirait Roussel, de vécu, d'une intensité. Mais sur cette base, la gouvernance, donc une force hétéronome extrêmement structurée aujourd'hui, et extrêmement réel, mobilise pour rétablir l'ordre au nom d'une raison objective. C'est ça la finalité de la mobilisation. Et cette raison objective, on devrait peut-être être plus correct et parler des raisons objectives, sont incritiquables, indiscutables, parce qu'ils sont de l'ordre naturel, d'où par ailleurs l'importance que le discours écologique prend au sein de la gouvernance aujourd'hui. C'est la seule raison, par ailleurs, à mon avis. Peuvent être aussi d'autres raisons qu'on a connues déjà dans l'histoire, ou dans le présent aussi, par exemple, de l'ordre religieux. Et on peut bien s'imaginer d'une coexistence, en général, à mon avis, plutôt extrêmement violente et conflictuelle entre différentes mobilisations selon différentes raisons objectives. Alors, on aura affaire à la symbiose hétéronome des critiques d'expérience de la vie endommagée et de l'industrie culturelle désormais globale. Une solution autoritaire, je n'irai pas jusqu'à la qualifier de totalitaire comme c'était dans la discussion tout à l'heure, mais autoritaire et en tout cas liberticide. Deuxième scénario, c'est le scénario que ce que je viens de dire ne se fait pas. Ne se fait pas parce que les acteurs ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire. Et on se trouve dans une situation de reproduction inerte d'une crise cadrée, peut-être dominée par la gouvernance mondiale, une hétéronomie qui tient ensemble dans une... Dans une situation de reproduction assez inerte, comme on a connu par ailleurs dans l'histoire, sans que, à court terme en tout cas, une autre perspective s'ouvre. Alors, le troisième scénario se base justement sur des réflexions sur nos vies endommagées par la crise. Ce sont des réflexions qui peuvent mener au développement d'une autonomie subjective nourrie par des luttes, dans le sens le plus politique du terme, des luttes contre l'hétéronomie sérielle, surtout contre la gouvernance, et les objets de cette lutte peuvent être extrêmement différents, puisque la crise s'est généralisée, elle touche un peu partout. Et pour avoir une petite illustration, pensez à ce qu'on appelle, Montesquieu, les mouvements des dernières années. Il n'y a pas un objet commun. Mais sur cette base, c'est juste une illustration, je ne veux pas dire que ce soit la manière de faire, sur cette base, des affinités électives peuvent se nourrir entre affinités qui se créent sur la base de véhicules très différents. Voilà, donc, l'aube, on a vu tout à l'heure, peut se dessiner dans ce cas comme une conjonction entre ces subjectivités très développées, mais aussi, de l'autre côté, les acquis de l'industrie culturelle globale. Il y a des acquis qui sont là. Par exemple, une certaine disponibilité de technologies qui sont à casser, mais il y a des éléments, il y a des acquis. Il y a aussi un certain cosmopolitisme qui est à casser. Ce n'est pas le cosmopolitisme de Kant, c'est la marchandisation. Et on pourrait se trouver dans une symbiose, et j'arrête avec ça, une symbiose autonome dans un projet d'autonomie et d'émancipation qui sera peut-être la dialectique de la raison. Merci.